les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1980, Chantal Debéchade racontait l'histoire de la Cinémathèque française en 5 émissions diffusées dans les Nuits Magnétiques. Après s'être consacrée dans la première à la naissance de l'association, elle se penchait dans le deuxième épisode sur l'une de ses missions essentielles, la conservation. Certes, dès l'origine, Henri Langlois avait souhaité que la Cinémathèque ne soit pas qu'une armoire à films, raison pour laquelle il œuvra, dès le début, à les montrer, mais aussi à raconter leur histoire dans un musée du cinéma qu'il voulait vivant et poétique. Mais rien de tout cela n'aurait été possible s'il n'avait pas également veillé à les préserver. Comment entreposer ces bobines parfois si fragiles sans les abîmer, et tout en continuant à collecter de nouvelles œuvres pour enrichir les fonds? Telle fut la tâche ô combien délicate de Langlois et de ses collaborateurs, racontée dans ce documentaire diffusé pour la première fois le 10 juin 1980. Bonsoir. Bon alors, on va donc charger Daina la Métis, qui est un film de Grémillon des années... 1930-31, oui, quelque chose comme ça. C'est un des premiers films français et sonores. Daina, c'est d'amorce. Bon, alors, on fait le noir intégral. Voilà. La porte, s'il te plaît, poulet. Voilà. Cinémathèque en liberté, deuxième. Et voilà, ça marche. Du film Flamme à la robe beige, bon, de ça, Marilyn. C'est une bande à mort, moi. On va voir ce que ça donne. Voilà. Gaumont Film Aubert présente. Daina la Métis. Grémillon. C'est peut-être un peu fort, non? Bon, ça va, je crois. Je ne tourne pas un rôle de médium. Je calcule les improbabilités. Henri Langlois. De Charles Vanel, j'ai d'ailleurs un film muet de Baron Céline, Les Pêcheurs d'Islande. Ah oui. C'est très bien, il était vraiment jeune alors à cette époque. Hein. Je ne suis pas un professeur. Non, le bruit du je ne fais pas une histoire du cinéma. Henri Langlois. Sur le Pacifique, l'Équateur. Ouais. On faisait encore des surtitres, c'était le... Voilà, c'est un film qui se passe uniquement sur l'eau, d'ailleurs. Oui. Ce film de Grémillon. Grémillon aimait beaucoup le thème de la mer. Ah oui. Alors, là, vous vous étonnez peut-être de voir la bande sonore, mais c'est voulu par moi, parce que comme ça, je contrôle davantage l'état de la bande sonore. Oui, bien sûr. Parce qu'il pourrait être rayé ou... Et là, vous voyez, c'est une piste optique à densité constante et prolongation variable. Alors, vous voyez, c'est un truc technique. Hier, naissance de la Cinémathèque. Aujourd'hui, conservation des films et des objets. Daniel Toscan-Duplantier, directeur général d'une des plus anciennes sociétés de cinéma en France, la Gaumont. L'idée de départ, donc dans les années 30, hein, ça a été une idée de conserver. Voilà. Alors, d'abord, disons-le, le public s'en rend probablement mal compte, c'est une idée stupéfiante au départ. Le cinéma s'est vécu comme une industrie de consommation, se vit encore comme une industrie de consommation. Et conserver, c'est l'essence de l'acte culturel, c'est la reconnaissance culturelle. Quand on garde, c'est qu'on pense que le produit qu'on a fabriqué est témoin de quelque chose. Voilà. Mais on ne garde pas les paires de bas usagées, n'est-ce pas? Ou alors c'est le fétichisme. Hein. Et d'ailleurs, dans la Cinémathèque, il y a un aspect fétichiste. On a bien vu, avec Henri Langlois et aujourd'hui encore avec Mary Merson, qu'il y a un fétichisme. Et qu'au départ, la Cinémathèque... C'est l'aventure d'un groupe d'hommes qui font dans l'espèce de ciné-club. Bon. Et je dis ça avec non pas ironie mais admiration. Ils ont emprunté les copies et ils ne les rendaient pas. Moi, j'ai toujours, c'est un ciné-club qui ne rend pas les copies, la Cinémathèque. Voilà. On le sait d'ailleurs. Hein. Et finalement, à force de nous les guillemets voler, ils ont constitué la mémoire du cinéma mondial. Hein. Parce qu'ils les perdaient, ou je ne sais pas, ils les abîmaient. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui faisait que, ici encore, si je dis à mon service technique, dites donc, allons faire une projection de la Cinémathèque, le visage est pâle. On me dit, oh bon. Et puis on s'habitue à l'idée qu'ils ne les rendent pas. Et la Cinémathèque s'est faite contre l'industrie du monde entier. Parce qu'il y avait à sa tête une bande de fous, n'est-ce pas ? Fous, un peu voleurs, il faut bien dire, non, mais on ne peut pas dire le contraire. Heureusement, non ? Parce qu'à cette époque-là, il y avait une idée très très très précise dans le cinéma, et je dis à cette époque-là, par pudeur, parce que je n'oserais pas vous dire que c'est fondamentalement changé. C'était que le cinéma, ça se jette après usage. Voilà. Et évidemment, en France, justement, l'influence de la Cinémathèque a été telle qu'aujourd'hui, probablement une majorité des gens qui pensent, c'est-à-dire une grande minorité, une petite minorité plutôt de la nation, acceptent l'idée que le cinéma appartient à l'univers culturel. Mais c'est une idée absolument pas répandue dans le monde. Il faut avoir une conscience aiguë que le cinéma est un commerce. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui s'occupent du cinéma sont les mêmes qui s'occupent d'autres choses. Et parfois, l'autre chose, c'est des drôles de choses, vous voyez, comme la prostitution, la drogue, etc. Il y a des rapports, par exemple, ce qu'on appelle l'industrie du crime et le cinéma. Par la pornographie, par exemple. Et que moi, je connais des gens qui... Et je ne parle pas du milieu spécifique du cinéma pornographique, qui était, j'allais dire, un milieu à part. Mais enfin, je veux dire... C'est encore un métier unique où on vient vous proposer un film en vous disant qu'il y a beaucoup de sexe et de violence, n'est-ce pas ? Avec dans le regard un moment de satisfaction. Hein ? Et c'est un commerce, hein ? Le commerce du sexe et de la violence. Alors, l'idée culturelle qui est reliée fondamentalement à l'idée de la conservation, c'était une idée absolument stupéfiante et inacceptable en 1935 et qui est encore une idée révolutionnaire aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein ? Donc, on préfère un discours sur l'actualité de la Cinémathèque, n'est-ce pas ? Pas sur son passéisme. Parce que conserver, c'est commencer à considérer que c'est autre chose que consommer. Voilà. No, I don't think so. No. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. En 1941, Citizen Kane d'Orson Welles, la scène finale. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. A missing piece. Well, come on, everybody. We'll miss the train. C'est pas les hommes d'affaires, n'est-ce pas, du cinéma qui ont encouragé la Cinémathèque. D'abord, je crois qu'ils ont ignoré son existence longtemps. Et puis finalement, on l'a découvert beaucoup plus tard. Ce qui explique en particulier l'Oscar spécial de Langlois. Si Hollywood lui a remis la décoration suprême, c'était pas en admiration à sa tâche culturelle. Non, c'est que vous savez qu'il y avait un fameux système qui était le système du remake. Qui curieusement a fonctionné dès le début. On a commencé dès le début à refaire ce qu'on venait de faire. C'est pas quand le cinéma est devenu vieux qu'il a commencé à refaire ce qu'il avait fait quand il était jeune. C'est qu'il est devenu immédiat que ce qui avait marché, il fallait le refaire tout de suite. Hein, la consommation répétitive, non ? Mais alors quand on faisait un remake, il fallait détruire, par contrat, toutes les copies, le négatif et la matrice. Contractuellement. Donc on faisait ça tranquillement, n'est-ce pas ? C'était pas un phénomène stupéfiant. Et il y avait évidemment le fou de Paris qui avait volé sa copie, non ? Et quand on s'est aperçu que le cinéma du passé était pas seulement vieux, mais qui était devenu ancien, comme les meubles, n'est-ce pas ? Le changement d'adjectif, comme vous savez, est décisif. Quand on passe de vieux à ancien, il y a la valeur économique. Le vieux ne vaut rien, hein, l'ancien vaut très cher. Et quand l'industrie hollywoodienne a découvert que le vieux, c'était de l'ancien, et qu'on pouvait refaire des affaires, de l'argent, avec ces vieilles choses, alors à ce moment-là, on a été rudement contents qu'il y ait un maniaque à Paris qui avait tout gardé. Peut-être pas très bien, peut-être pas bien classé, peut-être pas en bon état, mais immatériel. Et qu'à ce moment-là, cet hommage du système américain, système de la pure consommation, à l'homme, l'anglois, qui est le premier qui a considéré le cinéma comme culture, parce que le premier qui garde, c'est le premier qui dit que c'est culture. C'est très simple. Cherchons pas quel est le premier qui a dit le cinéma d'une culture. Cherchons le premier qui a fait l'acte. L'acte, c'est voler les copies, pas les rendre. Hein. Pas les rendre aux gens qui vont les jeter. Parce que c'était pas qu'il les vendait, l'anglois, mon Dieu. Non, ça on peut pas lui dire. On peut faire beaucoup de reproches à l'anglois, mais il n'a pas fait d'affaire, non. D'ailleurs, ça se voit, si je puis dire, encore dans la cinémathèque d'aujourd'hui. Non. L'idée de l'anglois, c'était qu'il fallait enlever aux mains de ceux qui détruisent. Johnny, du film Cantique d'amour par Marlène Dietrich en 1934. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir, nachmittags um 3:30. Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast, die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir, ach komm doch mal zu mir, nachmittags um 3:30. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Wenn mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest. Toute blanche avec des grandes fenêtres sur la mer. Hein? Taisez-vous. Pourquoi? Parce que. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Remorque. Vous pouvez pas dire ce que vous remorque pensez. Remorque de c'est Jean Grémillon. Moi, je peux dire tout ce que je pense. La participation de Jean Gabin et Michel Morgan. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que je fais, moi, ici, avec vous? Hein? Enfin, c'est une rigolade. Regardez-moi bien, est-ce que j'ai l'air d'un homme qui croit pas les femmes? Non. Alors? Tu vas vous amuser, hein, un homme qui ne sait pas ce qu'il dit, qui bafouille, parce que je me rends compte que je ne sais pas ce que je dis. En tout cas, je ne veux pas venir avec moi, vous perdez votre temps. J'aime pas jouer ce petit jeu-là. Je suis un homme simple, moi. Non, ceux qui sont simples n'ont pas tant de bruit pour cacher ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas honte de leurs désirs, de leurs plaisirs. Vous n'êtes pas simple, vous êtes comme les autres, comme les hommes, vous êtes plein de scrupules, de délicatesse et vous n'arrêtez pas de réfléchir. Mais en ce moment, vous pensez des choses que personne ne saura jamais. Et même si vous vouliez parler, si vous vouliez être sincère, vous pourriez pas, vous parleriez tout de travers, sans le vouloir, pour tout cacher. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous l'intéressez comme ça à moi? Qu'est-ce que vous attendez, moi? Mais si, parlez! Parlez, puisque vous dites tout ce que vous pensez. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Enquête à la Cinémathèque. Premier témoin, François Forestier, critique. J'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années les blocos de la Cinémathèque française, mais les films étaient dans un état de décomposition avancée. C'est-à-dire, il arrivait qu'on ouvre des boîtes. Et ces boîtes, c'était du Nescafé qu'il y avait dedans. Ce n'était plus des films, c'était tout simplement de la poudre de films. Donc, ce qui est terrible, je pense, c'est que finalement, on dit que la Cinémathèque française a sauvé beaucoup de films, et c'est vrai. Mais il semble, je dis bien il semble, parce qu'on n'en aura jamais de preuves et de toute façon, je ne veux pas me faire attaquer en diffamation. Il semble, en tout cas, qu'il y ait énormément de films qui aient été perdus, soit par négligence. Soit par tout simplement parce qu'on s'en est pas occupé, si bien que pour rassembler tous ces films, enfin je ne sais pas comment les gens qui sont à la Cinémathèque maintenant s'y sont pris, mais je pense qu'ils ont dû rencontrer des difficultés terribles. Deuxième témoin, Guy Lemaître, responsable du mouvement des copies. Non, elles ne sont pas détériorées du tout, c'est simplement l'humidité de l'air, l'air ambiant qui rend comme ça, qui pique les bobines. Donc, mais intérieurement, ce n'est pas abîmé, on peut regarder si vous voulez, on peut en ouvrir une. Hein. Oui. Il n'y a qu'à ouvrir une. Et, intérieurement, ce n'est pas du tout rouillé, la pellicule n'est pas abîmée. Voilà, constaté. Vous voyez, vous avez la fiche de vérification, peut-être pas sur celle-là ou pas là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Voilà. L'homme du large. Voilà, copie marron. Prière de faire très attention à la projection. Copie marron, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un intermédiaire, on appelle un marron une lavande. On peut retirer avec ça une nouvelle copie, voilà, si le négatif est détruit. Voilà. Alors vous voyez, donc les boîtes sont peut-être piquées, mais intérieurement c'est en bon état. Alors tout ça a l'air très très rangé, très organisé. Bah oui, c'est organisé. Il y a des fiches dans chaque copie. Bah oui, absolument, absolument. Ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau. Ça représente des tonnes de films. Je veux pas chiffrer le nombre de copies qu'on a remues, puisqu'on a déménagé X fois, alors tout ça représente beaucoup de poids et beaucoup de copies. Je sais pas le nombre de copies, je peux, en poids, ça, c'est une quantité phénoménale, puisqu'une copie pèse à peu près 25 kilos, alors... Je sais pas, on manipule des copies toute la journée et toute l'année, ça fait des tonnes et des tonnes de films. Le nombre de copies, je sais pas. La copie, elle est en 5, 6 boîtes, 10 boîtes, ça dépend de la longueur du film. Bon, et puis après, il y a la pellicule intérieure dans la boîte, avec le support, vous voyez, voilà. Le support, les images. Voilà, ça, c'est donc un film muet. À l'intérieur de la boîte, il y a la fiche de vérification. Donc, là, vous voyez, c'est un film muet. Il a été vérifié le 3 décembre 1979, 5 bobines 300 mètres. Alors, il y a quelques fines rayures, perfos très légèrement piquées. Voilà. Voilà. État AB, et c'est signé de la vérificatrice. Voilà. Troisième témoin, Georges Franju, directeur artistique de la Cinémathèque. Quand on va chercher dans des boîtes, c'est pas toujours les bons titres. D'abord, qui sont sur les boîtes, il faut d'abord ouvrir les boîtes, parce que les films qui sont dedans, c'est pas toujours les bons. Moi, je me souviens qu'avec Langlois, vous savez, on prenait des boîtes, n'importe lesquelles, pour mettre les films dedans, mais on n'en avait pas tellement. Alors là, évidemment, déjà là, il faut voir ce qu'il y a dans les boîtes, il faut vérifier l'état des copies. Parce que, vous savez, au moment où Langlois a eu tellement d'ennuis en 1968, on a montré dans les journaux des gens qui avaient des boîtes, qui voient des boîtes de la Cinémathèque française, qui étaient rouillées avec des films humides. Mais c'est qu'on les recevait comme ça, bien sûr. C'est pas depuis qu'ils sont à la Cinémathèque qu'ils sont comme ça, ils étaient comme ça avant. Et si souvent on a pu obtenir des films, c'est parce que les gens s'en débarrassaient, ils étaient très contents de s'en débarrasser, mais on les avait dans un état lamentable. Vous comprenez? Oui, c'est pas la Cinémathèque qui se sont détruits, ils étaient détruits avant. Alors il y a des films qui sont rénovables, et puis il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. On aurait 30 000 titres dont 15 000 seraient identifiés. Après les avoir identifiés, il faut les vérifier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça représente 15 000 films. C'est certain qu'on va trouver des trucs avec de la gélatine qui se décolle dans tous ces stocks qu'on a encore et qu'on n'a pas pu vérifier. Retour au deuxième témoin pour un complément d'information, Guy Lemaître, responsable du mouvement des copies. Enfin, Langlois ne donnait pas la liste des films. Il s'est toujours opposé à ça et je pense qu'il avait raison. Après Pourquoi? Les gens déposent des films à la Cinémathèque, c'est un peu un secret. On n'a pas à dire, vous prenez les archives à Bois d'Arcy, ils ont un catalogue. Bon, ben, figure au catalogue les films que les gens veulent bien dire, simplement, puis les autres ne figurent pas. C'est tout, c'est comme ça. Retour au premier témoin, François Forestier, critique. Mais il est inconcevable, si ces gens nous disent il y a des listes qui existent, que Langlois a faites, si ces films sont répertoriés, pourquoi ne les publie-t-on pas? Alors à quoi ça sert? Qu'on nous les publie, qu'on nous les montre, les listes, qu'est-ce que ça veut dire? On ne fait pas une cinémathèque de films secrète, c'est pas l'OAS quand même. Ça serait quand même extraordinaire. Vous allez à la Bibliothèque nationale, vous dites je veux un livre, je ne sais pas, moi, Nicolas Bellavoir de Gobineau, et on vous dit monsieur, on ne sait pas où il est. Déjà, vous commenceriez à avoir des frissons ou une petite angoisse, ou vous diriez je suis chez Kafka. Eh bien, c'est un petit peu la même situation. Et si en plus on vous disait consultez nos catalogues, et vous diriez mais il n'y en a pas, et on vous dirait c'est comme ça. Là, ça deviendrait complètement hallucinant. C'est encore une fois, la situation de la Cinémathèque française. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et je trouve ça complètement dément. Si, en plus, la Cinémathèque française n'a pas les moyens d'assurer la conservation de ses films, alors ça ne sert à rien. Je propose aux propriétaires de films de garder leurs films à ce moment-là. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Vous avez une fourrure, vous partez en vacances, vous la déposez chez un gardien de fourrure. Ce n'est pas pour... Quand vous revenez de vacances, vous la retirez. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour retrouver votre fourrure mitée, trouée, ou ne pas la retrouver du tout. C'est un petit peu cette situation. Alors je sais, bien sûr, qu'il y a des films qui ont été très bien soignés, etc. Notamment, bon, on a pu revoir un Chaplin récemment, A Woman of Paris. Bon, ça, c'était formidable. Mais ce sont des actions complètement ponctuelles. Je me souviens, par exemple, une fois, j'avais parlé avec Langlois, d'un film que Gloria Swanson avait fait et qu'elle lui avait confié, qui s'appelait Madame sans gêne. Bon, ce film a disparu. Gloria Swanson a réclamé une copie à Langlois, qui a prétendu à ce moment-là de l'avoir jamais eu. Bon, où est ce film? Si ce film a disparu, au dire de Gloria Swanson, si effectivement il a été détérioré et s'il s'est transformé en escafé, c'est une perte totale, on ne retrouvera probablement jamais de copie de ce film. Donc je trouve ça un petit peu dommage, voire scandaleux. Je ne dis pas que le rôle de Langlois a été entièrement négatif, pas du tout, puisque on a tous été éduqués, on est tous les enfants de Langlois d'une certaine façon, puisqu'on a appris tout, on est resté, la plupart d'entre nous, on est resté des années à la Cinémathèque et regardé des dizaines et des centaines de films. C'est là qu'on a tout appris. Bon, c'est un fait indéniable, c'est certain que Langlois a été, pour toute une génération de cinéphiles, a appris l'histoire du cinéma, c'est vrai. Il nous a prodigué un enseignement qu'on ne trouvera pas ailleurs. Mais maintenant, est-ce que cet enseignement est transmissible? J'entends par là que les films que nous avons vus il y a 10 ans, il y a 20 ans, et il y a quelques fois plus, est-ce que ces films sont visibles aujourd'hui encore? Dans quel état sont-ils? Où sont-ils? C'est-à-dire, si on ne peut voir que les films de Godard et on ne peut plus voir les films de Griffith, ça ne me paraît plus très intéressant. Enfin, du moins, intéressant si, mais plus de la même façon, en tout cas. Quatrième témoin, Yvonne Dornès, vice-présidente de la Cinémathèque française. On a beaucoup exagéré en disant que toutes les copies étaient en décomposition, c'est complètement faux. On a pu voir de temps en temps des boîtes rouillées, mais à l'intérieur de ces boîtes, les films étaient en bon état. Il est vrai que certaines copies ont été abîmées. Mais pourquoi ? Si nous voulions reporter, parce que la pellicule s'abîme, et à un moment donné, quelles que soient les conditions de conservation dans lesquelles on garde les copies, elles se dégradent. Et par conséquent, il faut de temps en temps les reporter sur de nouveaux supports. Or, ceci représente des frais absolument fabuleux que seul un État pourrait accomplir et qui n'est accompli que dans certains États qui ont des ressources considérables, comme à l'heure actuelle, la meilleure conservation est dans l'Allemagne de l'Est. Mais ce qu'il y a eu, surtout une étape très importante, c'est lorsque on n'a plus eu le droit d'utiliser les films flammes. Et alors tous les laboratoires ont décidé de s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, ils avaient prévu tout simplement, purement et simplement, de les détruire. C'est là que Langlois est intervenu immédiatement, dès qu'il a été avisé de cela, et qu'avec l'aide d'ailleurs des pouvoirs publics, il a obtenu que... il a fait le tour des laboratoires et a obtenu que lui soient confiés tous ces documents flammes. Seulement là, c'est posé le problème du stockage et évidemment, il n'avait pas les moyens de construire et d'équiper des blocos qui auraient été adaptés à cet usage. Et donc, il a constitué ses stocks dans des conditions souvent très précaires qui n'ont pas permis toujours une conservation optimum. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés voir nos cinquièmes témoins dans une salle de montage à la Cinémathèque, les vérificatrices. Rembobine un film que j'ai vérifié. Pour rembobiner un film, mais c'est manuel, donc comme appareil. C'est manuel, oui. C'est très artisanal, comme ça. Absolument, oui. Terriblement fatigant. Et ça dure pendant combien de temps de rembobiner un film? Ça met combien de temps? Ça dépend de la vitesse à laquelle vous allez. Moi, je mets 5 minutes. Une bobine de 600 mètres, 5 minutes. Ça demande d'avoir, sur mon chiffon, je passe un produit qui nettoie. J'évite de la tenir avec mes mains. Et puis, j'évite de la gratter, de la poser sur la poussière. En fait, ça met plus de 5 minutes. Vous avez des gants toujours? C'est obligatoire pour, de mettre des gants pour... Non, c'est pas obligatoire, mais j'ai des gants pour la vérification, pas pour le rembobinage, parce que ça m'évite de me couper. Et ça évite aussi d'abîmer les films. Alors on le tient d'une certaine manière en pliant la pellicule sans frotter l'image. Et ça évite quand même... Les gants se trouent très rapidement, mais ça évite de se couper les mains, d'avoir des plaies. C'est des gants pour négatif, c'est des gants très fins. C'est nous qui remettons en état les copies, c'est nous qui faisons tout ce qu'il faut de manière à ce que le film soit visible. Quoi. Et remettre en état les copies, ça nécessite quoi comme matériel? Ça peut nécessiter un matériel sophistiqué si on veut que le travail soit fait rapidement. Ça peut nécessiter un matériel beaucoup plus simple, du genre ciseaux, scotch, une scotcheuse quand même, un appareil qui permet de... Enfin, c'est pas un scotch banal. Non, c'est pas un scotch banal, mais disons que ça nécessite. Avant, on utilisait ces colleuses là, qui sont des colleuses à la main, et on utilisait un grattoir, un pot de colle, et en fait, ça coûtait pratiquement rien. Seulement, le temps de travail était décuplé, c'était beaucoup moins rapide. Maintenant, on a des machines à vérifier dans la plupart des maisons. On a des machines à vérifier. Il y a même plus d'employés qui sont là pour faire ça. Le travail est spécifique à la Cinémathèque en sens que le rôle d'une vérificatrice se limite peut-être pas simplement à l'entretien des copies, mais participer à la vie de la maison, c'est-à-dire savoir si les films du programme sont prêts, pouvoir renseigner quelqu'un si on répond à une personne qui vient demander quel est le metteur en scène d'un film. Enfin, en fait, ça dépend, je crois, de la personne qui travaille et de la disponibilité de cette personne, mais je crois qu'on peut arriver à faire des choses assez variées et pas uniquement... Alors on parle très souvent du mauvais état des copies de la Cinémathèque. Alors vous êtes mieux placé que quiconque pour répondre à cette question. Ouais, bah je crois qu'on a eu, on a eu affaire à des très mauvaises copies, surtout quand on a sorti le stock de Courcelles et qu'on est en train de maintenant de replacer dans les blocos. Mais oui, effectivement, on avait des copies qui nous arrivaient rouillées, vu les conditions de conservation qui ont été celles qu'on connaît avec l'Anglois, etc. Mais on a des copies abîmées, on a aussi d'excellentes copies. Enfin, c'est, je pense que pour une cinémathèque comme celle-là, c'est tout à fait naturel d'avoir des copies abîmées. Est-ce qu'il y a certaines copies qu'on ne peut pas sauver? On ne peut plus rien faire. Ah oui, à partir du moment où il y a eu de l'eau sur la pellicule, l'impression s'est effacée, il n'y a plus rien. Vous avez affaire à une pellicule blanche ou une pellicule rouillée, c'est plus... on coupe, on fout à la poubelle, on ne peut rien faire de plus. Ça, c'est un problème. Alors aussi. Si on possède les négatifs, on peut toujours faire retirer les copies, si c'était les seuls positifs qu'on avait. Mon travail quotidien, il est assez simple. Enfin, j'arrive ici, en général, il y a un magasinier ou disons qu'il y a les gens qui s'occupent de la programmation qui me préparent une pile de films. Mais la plupart du temps, ces gens-là n'ont pas eu le temps de s'en occuper, de sorte qu'en fait, c'est moi qui contrôle les films du programme, quels sont les films en 16 mm que je dois faire. Et puis, je vais chercher un petit peu partout dans les bobines si je trouve les boîtes qui sont pour moi, et puis donner un coup de main si quelqu'un a besoin. Enfin, c'est assez varié. Ça peut être, pendant une matinée, dérouiller des boîtes, coller des étiquettes. Voilà. Vous avez une machine très perfectionnée. Très, très perfectionnée. Oui, donc, ça va. Pour les bonnes copies, ça va vite comme ça. Hein. Ça, c'est une machine électrique. Oui, c'est une table de travail électrique. Pas de montage, hein, de travail. C'est un peu différent. Alors, qu'est-ce que vous regardez, là, en ce moment? Parce que vite, vous finissez malgré tout. Là, vous tombez mal parce que c'est une copie qui est bonne. Parce qu'autrement, quand il y a des perfos d'arracher, ou coupés, ou des couleurs qui sont mal faites, ou qui se défont, faut les refaire. Hein? Alors, on fait ça à la scotcheuse. Dans le temps, vous avez les colures, on faisait tout à la main, mais maintenant, tout est mécanisé, comme tout. Vous avez un petit pinceau, je vois. Ah, ça, c'est différent, parce que tout à l'heure, ce pinceau, ça me sert quand je fais des colures comme ça, à la main. Alors, mais on ne fait pas ce genre de travail pour les copies positives, on fait ça pour le négatif. Vous avez des marqueurs aussi, des marqueurs... Ça c'est pour faire ou des repères ou marquer les titres et les parties en début et fin de bobine. Ça nous sert à ça. Alors selon ce que c'est, on prend différentes couleurs. Sixième et dernier témoin, François Chaubert. Conserver des films coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Et le problème d'Henri Langlois a été la richesse même de la cinémathèque. C'est-à-dire qu'il avait des collections qui étaient tellement considérables qu'il n'a jamais réussi à obtenir vraiment les moyens nécessaires à ce qu'il aurait voulu faire, absolument. Et il faut rappeler quand même un élément qu'il y a eu. Il y a eu un décret du gouvernement, je pense que c'était le 18 octobre 1958. Ce décret enjoignait aux laboratoires de se débarrasser de tous leurs films flammes et de les détruire. Mais il y avait une condition, ils ne pouvaient les détruire que si la Cinémathèque française les avait refusés. C'était considérable, les laboratoires avaient des tonnes de films de toutes les provenances et de tous les pays, de films flammes, et Langlois avait une théorie à laquelle je souscris entièrement, mais qui est quelquefois difficile à appliquer, qui était « Qui sommes-nous pour juger ? Il faut tout garder. » À partir du moment où vous ne jugez pas et vous gardez tout, il avait raison. Si on lit les critiques, par exemple, des années 10 ou des années 20, ou même des années 30 sur les films de l'époque, on est stupéfié parce que ceux que nous considérons maintenant comme des chefs-d'œuvre sont quelquefois totalement ignorés, alors que des films qui ont eu un succès fou à l'époque sont maintenant totalement oubliés aussi. Alors donc Henri a évidemment accepté en bloc tous les films que les laboratoires devaient évacuer, et ça a été à la fois une chose prodigieuse, mais ça a été terrible parce que l'État lui a donné certains crédits pour certains tirages de sécurité, mais les crédits n'ont jamais suivi l'ampleur des rentrées de films, enfin du nombre des films qui étaient arrivés à la Cinémathèque. Quand elle eut 20 ans, sa vieille maman lui dit un jour tendrement: dans notre logement, j'ai peiné souvent pour t'élever, fallait de l'argent. Mais t'as compris un peu plus chaque jour ce que c'est le bonheur, mon amour. Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux, bien unis. Nous sommes seuls ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien, près de ta maman, tu n'as pas de tourment. C'est ainsi, cœur à cœur, on cueille comme une fleur, sous l'étoile Paris, le bonheur. Un jour sans façon, un joli garçon, comme on chante dans les chansons, lui fit simplement quelques compliments, la grisade boniment. Nini, je te jure, ça se fait plus la vertu, je t'adore, sois à moi, dis veux-tu. Sous les toits de Paris, dans ma chambre, ma Nini, on s'aimera, c'est si bon d'être unis. C'est quand on a 20 ans, quand fleurit le printemps, faut s'aimer sans perdre un seul instant. L'air était très pur et le ciel d'azur. Elle dit je ne veux pas, puis elle se donna. C'est ainsi qu'en ce jour, le vainqueur comme toujours, sous les toits de Paris fut l'amour. Malgré les serments, hélas son amant la quitta cruellement. La pauvre Nini pleura bien des nuits, un soir on frappe, c'était lui. Il supplia, ma chérie j'ai eu tort, pardonne-moi tu sais je t'aime encore. Sous les toits de Paris, quelle joie pour Nini de retrouver un passé tant chéri. Quand il dit maintenant, tu sais c'est le moment, faut se marier tous les deux gentiment. Car rien n'est cassé, tout est effacé, oublie le passé et viens m'embrasser. Vite Nini pardonna et le bonheur s'installa sous les toits de Paris, c'est comme ça. Sous les toits de Paris, en 1930, Albert Préjean chantait dans un des premiers films parlants français et Jean Grémillon s'inquiétait de la conservation de ces films. Mais si la gélatine se décolle, la bande magnétique est périssable, aussi tendez bien l'oreille. La pellicule s'abîme d'une œuvre qui nous a coûté beaucoup de peine. Il ne reste après 20 ans, 25 ans que des images, des bouts de films. Mon premier film parlant, La petite Lise de 1930, je ne l'ai jamais revu. La période muette, eh bien, il ne subsiste rien de Gardien de Phare, quelques images de Maldon, et tout au large, uniquement la musique écrite par moi et enregistrée sur des rouleaux. On n'a encore jamais vu un auteur de film écrit pour la postérité, comme vous voyez. Le voudrait-il d'ailleurs? La situation des auteurs de films paraît bien singulière. Ah, bien singulière, monsieur. Vous comprenez, la richesse, l'efficacité de l'instrument dont nous disposons est incomparable. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Ce monde varié, divers, ce mélange complexe de sons, d'images, de bruits, de séduction verbale aussi, dont nous avons calculé l'agencement jusque dans ses plus petits détails, eh bien, le spectateur le prend ce monde pour la vie elle-même. Or, l'œuvre que nous créons se trouve être la plus fugace, la moins durable de toutes les œuvres. Et le caractère de marchandise, vous me suivez bien, n'est-ce pas, prise par le film, éclate au grand jour dès que la rentabilité a disparu. L'objet film est la proie du hasard, et je vous jure, c'est bien miracle, s'il demeure une telle proportion d'œuvres qui sont sans doute encore importantes. Je vais vous interrompre, M. Grémillon, mais on réclame, on n'a rien sur la terre. François Chaubert. Le problème de la conservation n'est pas seulement le problème de la Cinémathèque française. Le mérite d'Henri Langlois a été d'être un des premiers au monde, avec 3 ou 4 autres cinémathèques, à attirer l'attention, à essayer en tout cas d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait que le film est une denrée extraordinairement périssable. Et que d'abord, d'une part, c'était, il ne faut pas oublier que c'était dans le courant des années 30 et que c'était une époque où vraiment le cinéma n'était pas encore du tout considéré comme un art à part entière. Enfin, il était considéré par une certaine intelligentsia comme un divertissement public pas toujours très recommandable, enfin, dans une certaine mesure. Et c'est quand Henri Langlois, pour la France, avec Georges Franju et quelques autres passionnés, se sont rendus compte de ça et ont commencé à crier au secours pour qu'on sauve les films, d'une part, qu'on les retrouve, parce que c'était un patrimoine culturel capital, qu'il a aussi, qui s'est rendu compte très vite, même s'il n'avait aucune formation technique et scientifique, que le support des films était une chose horriblement difficile à conserver. Alors, il y a un autre élément qu'on oublie trop maintenant et qui, moi, personnellement, ça me terrifie un peu, dans les très jeunes générations, c'est que jusque au début des années 50, tous les films étaient sur support nitrate, tous les 35 mm. Et le nitrate est un matériau extraordinairement dangereux. Ça explose dans certaines... Ça brûle d'abord à une rapidité folle. En plus, dans certains cas, ça peut exploser selon certaines conditions, si le film est en mauvais état ou s'il y a des conditions climatiques, s'il fait trop chaud, par exemple. Et en plus, évidemment, si on fume à côté. Il y a eu des tragédies épouvantables avant les années 50, dans les cabines de montage, dans certaines salles de cinéma, parce que la moindre imprudence faisait brûler tout le stock. Alors ça, c'est le film Flamme. Et alors après ça, au cours des années 50... les films, petit à petit, ont tous été tirés sur support acétate qui, lui, brûle, enfin se consume, mais ne présente pas du tout les mêmes dangers. Alors à tout ça s'ajoutent des tas de choses très compliquées. Par exemple, la qualité de l'image de certains supports nitrate est beaucoup plus belle que les supports acétate. Il est évident que la première des solutions, c'est de faire des tirages sécurité, mais ça ne suppose pas de faire un tirage de sécurité, c'est-à-dire de transférer un film nitrate sur acétate. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire le nitrate, parce que on ne retrouve jamais cette qualité-là. Alors ça, c'est le premier des problèmes. Et au tout début, l'action d'Henri Langlois a été, d'une part, de préconiser la recherche et la sauvegarde des films. Et c'est lui qui a dû convaincre les professionnels que c'était leur intérêt d'avoir la sauvegarde de leurs films. Il ne peut pas y avoir d'activité d'une cinémathèque, quelle qu'elle soit, et de la cinémathèque française comme les autres, sans conservation. Il est évident que si on ne conserve pas les films, on n'a rien à montrer. Donc les deux sont intimement liés. Ça peut créer, dans certains cas, une dualité, parce qu'il y a une dualité dans le rôle d'une cinémathèque, en ce sens que le premier devoir d'une cinémathèque, c'est de conserver les films, et ensuite de les montrer. Il est évident que si on possède une copie unique d'un film, qu'on n'a pas le négatif et que théoriquement il n'y a pas d'autres négatifs et il n'y a pas d'autres copies, il ne faut pas la passer. Il ne faut pas la passer tant qu'il n'y a pas un contre-type établi et qu'à ce moment-là, on est sûr que le film... On ne peut pas risquer un accident sur une copie unique d'un film. Enfin, ce n'est pas une chose qui se présente fréquemment, mais il est évident qu'un directeur de cinémathèque peut être amené à se dire non à lui-même s'il a envie de passer un film, de dire non, je ne peux pas me le permettre. Ça, c'est la première des choses. Donc, la conservation... Pour Henri Langlois, était évidemment primordial. Enfin, vous avez eu l'occasion, comme tout le monde, puisqu'il vient d'être réouvert au public, de visiter le musée. Sans le travail de conservation des objets qui s'y sont rassemblés, il n'y aurait pas eu de musée du cinéma. Tout ça est absolument lié. L'âme d'une cinémathèque, c'est la conservation, comme de n'importe quel musée. Marianne de Fleury, responsable de la conservation des objets. Oui, Henri Langlois avait des raisons, je crois très précises, pour ne pas faire d'inventaire. Et lui avait une mémoire prodigieuse, ce qui fait qu'il savait exactement tout ce qu'il possédait. Évidemment, moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver. J'ai donc repris à zéro. Et je suis en train de faire l'inventaire de tout ce qu'on a, ce qui est très long. J'ai déjà inventorié tous les scénarios et manuscrits, il y en a plus de 3000. Les affiches, on en a au moins 6 à 7000. On a par exemple Tout l'âge d'or par Breton, et puis Buñuel, on a les manuscrits de Vigo, on a tous les manuscrits de Lang, les manuscrits de Murnau, les manuscrits de Pagnol, Carnet. Quand j'ouvre des cartons, parce que j'en ouvre tous les jours à nouveau, et ça m'arrive de retrouver des vieilles listes. Par exemple, là, j'ai retrouvé une vieille liste d'envoi de la MGM de costumes. Ce qui fait que, comme ils sont décrits, je peux les identifier. Nous avons une grande réserve en bas, qui est immense. Je ne sais pas combien elle fait, bien 20 mètres de long. Et c'est là-dedans qu'on entasse tous les trésors. Les costumes, les affiches, les appareils. Et puis des caisses encore, je n'ai pas ouvertes, parce que tous les jours, j'ai des surprises en ouvrant les caisses. Et ce qui est très intéressant, c'est la provenance des choses. Savoir comment les choses sont venues ici. Et tous les objets ont une histoire. Quelquefois, on la sait pas. La Tessner m'a raconté, par exemple, que Ivan le Terrible, le costume d'Ivan le Terrible du musée, c'est Tcherkassov qui était venu ici avec une délégation russe, qui a sorti de sa poche, roulé en boule, ce costume qu'il a donné à Langlois sous l'œil horrifié des gens de l'ambassade de Russie, parce qu'à ce moment-là, on n'avait rien le droit de sortir, qui était absolument furieux. Moi, quand je pars en voyage, c'est pour deux raisons. Ou c'est pour faire une exposition, ou c'est pour chercher le trésor. Henri Langlois, 1961. Malheureusement, je cherche de moins en moins le trésor. C'est d'autres gens que moi qui les chassent pour moi. On les cherche, on envoie des messagers, on cherche, on trouve, et on trouve le passé. Actuellement, le passé ressuscite pour nous d'une manière extraordinaire. Nous sommes en train de préparer le centenaire de Georges Méliès. C'est fabuleux ce qui sort. Des gens que l'on croyait disparus qui vivent, des souvenirs qui arrivent de tous côtés. Et pour vous citer un exemple, hier j'avais dans mon bureau un monsieur très très gentil, un vieux professeur qui avait entre ses mains un trésor, parce que moi j'estime qu'un dessin de Méliès a une valeur marchande considérable si on voulait le vendre. Il est arrivé avec 350 dessins de Méliès et il nous les a offerts. Parce qu'il aimait Méliès, parce qu'il sait que chez nous, ils sont exposés, mais aussi comme ça, parce que nous sommes allés le chercher. Il ne savait pas que nous existions, c'était nous qui sommes allés le chercher. What does Cal stand for? Caleb, what's in the Bible? That's your brother's name. Du film d'Elia Kazan, à l'est d'Éden, James Dean. What's he like? Well, he looks like you. Well, is he like me? No, he's good. I'm more like you. Now, what do you want with $5,000? Want to go into business? You see, my father... He lost about all he had in the lettuce. Yeah, I know. I heard about that. I want to make enough to pay him back. What makes you think I'd give you $5,000? don't know who else to ask. You got a lot of nerve coming to me. Why? I didn't do anything to you. Oh. Well, it's a good business venture. And I'll pay you back. I'll give you interest. You're a businesswoman, ain't you? One of the best, son. Tout à fait au début de la Cinémathèque, personne ne savait très bien comment conserver les films. Maintenant, déjà à l'époque, il y avait quand même des gens qui avaient des connaissances chimiques et on savait donc qu'il y avait certaines conditions. La première dont je parlais tout à l'heure, c'est la condition de sécurité et du nitrate. Ça, tout le monde le savait, enfin dans les milieux de cinéma, à cause des accidents qui ont existé à l'époque et qui peuvent encore exister. Il y a 2 ans, il y a eu un incendie catastrophique à côté de Washington, des voûtes des Archives nationales des États-Unis, où il y a, je pense qu'il y avait 12 millions de pieds de négatifs originaux qui ont foutu le camp en poussière. Il n'y a pas eu d'accident de personne, c'est un miracle. Mais je veux dire, ça existe encore, mais ce sont des voûtes remarquablement bien équipées. Il y a, dans tous les pays du monde, il y a eu à un moment donné un accident comme celle-là, comme celui-là. Je pense que ce qui s'est passé au début de la Cinémathèque, moi je n'y étais pas à ce moment-là, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait au mieux de leurs possibilités et qu'ils ont improvisé tout le temps. Mais ces improvisations sont devenues, dans certains cas, les bases des techniques actuelles de conservation. Alors, vous savez, quand vous parlez d'un film en mauvais état, tout est très relatif hein, dans tout ça, parce qu'un film rayé peut se faire dérayer. Il y a un certain nombre de problèmes pour la conservation. Il y a le rétrécissement, d'une part. Un film qui est en exploitation n'est pas rétréci. Un film se rétrécit s'il reste entreposé pendant un certain temps. S'il continue à vivre, il peut se rayer, il peut se déchirer. Les perforations s'abîment, mais les autres problèmes de conservation sont d'un autre ordre. Vous savez, c'est encore une fois... Ça coûte horriblement cher. Les installations de conservation, pour conserver proprement des films, d'abord, vous ne pouvez pas conserver le nitrate comme l'acétate. Hein, il ne faut pas les mettre ensemble, pour commencer. Et ce n'est pas les mêmes conditions. Ce n'est pas le même degré de la température n'est pas du tout la même. Il faut vous conservez les films nitrate à une température beaucoup plus basse que les films acétate. Ça, c'est le premier des points. Le degré d'humidité est à peu près le même, mais pas la température. Alors ça, c'est déjà le premier point. Il faut donc déjà séparer ces deux choses-là. On sépare évidemment les négatifs des positifs. Enfin, je ne vais pas entrer dans des technicalités comme celle-là, mais il faut établir des blocos. Il y a une question de ventilation, et en ce qui concerne le nitrate, il y a des questions de sécurité qui sont considérables. D'abord, idéalement, il faudrait qu'il y ait un film par... Il faudrait avoir des petites alvéoles comme une ruche, hein, et qu'il y ait un film avec des... Ça existe hein, dans certaines cinémathèques qui ont une chance, que je ne qualifierais pas, où vous avez vraiment des installations qui sont... Enfin, je touche du bois, mais pratiquement à l'épreuve de tout accident, parce que ce sont des petites cellules tellement petites et qui ont tout un système à la fois de climatisation, de ventilation, etc., mais surtout qui ont des systèmes de fermeture automatique. C'est-à-dire que si la température à l'intérieur d'une des cellules arrive à un certain chiffre, à ce moment-là, elle se boucle automatiquement et elle s'isole des autres. Donc il ne peut pas y avoir de... Si ça marche, évidemment. Langlois était à la fois l'homme le plus maniaque pour un certain nombre de détails, et il est très vrai qu'il y a des copies de films qu'il a sauvées par des méthodes inconnu du reste des mortels, mais qu'il a incontestablement sauvé, j'entends sauvé au point de vue du matériel, n'est-ce pas, de l'état de la copie. Il avait quelque part un technicien dont l'adresse était inconnue, et ce technicien réussissait à faire des miracles sur des films dont vraiment on pouvait penser qu'ils ne seraient plus jamais montrables. Gérard Legrand, si l'on garde un film dans un état tel qu'il ne puisse jamais plus être visionné, il faut bien dire que l'intérêt de sa conservation est important, parce qu'on sait que le film existe toujours, mais le travail que ça supposera pour qu'il soit revu une seule fois peut devenir énorme, titanesque. Eh bien, Langlois avait donc une extrême passion du détail, et en même temps était, et donc une sorte de méthode, et en même temps était l'homme du monde le plus brouillon que l'on puisse imaginer. Je suis très au courant de s'être mêlé avec un certain nombre de metteurs en scène étrangers qui ont eu la stupeur de constater, du vivant même de Langlois dans les dernières années de sa vie, qu'il ne savait plus où étaient les films. Et là, je crois qu'il n'y avait ni mensonge, ni tentative d'appropriation, mais simplement incapacité absolue de dominer un empire qui était devenu trop grand pour lui. la dispersion de la cinémathèque pendant pas mal de temps entre plusieurs immeubles, la multiplicité des locaux sans attribution bien définie, le fait que lorsque il y a eu un accord signé en 72, bien tardivement, pour la conservation des films de la Cinémathèque à Bois d'Arcy, d'une manière enfin à peu près rationnelle, n'est-ce pas, il était probablement déjà trop tard pour revenir en arrière et corriger le désordre existant, a fait que Joseph Losé, voulant montrer certains de ses films récemment à des amis de passage à Paris, films rares, dont il n'existe pratiquement plus de copies, et dont en tout cas lui ne dispose plus d'une seule copie, a eu la mauvaise surprise de s'entendre répondre par Langlois lui-même, peu de mois avant la mort de celui-ci, qu'il ne savait plus où était le film. Et il est bien évident que c'était vrai. D'ailleurs, quand je dis par Henri Langlois lui-même, ça n'était même plus par Henri Langlois, qui était très malade à la fin de son existence, mais par un employé qui était hors d'état de retrouver quelque chose, pour une raison toute bête, c'est que le prétendu fichier de la Cinémathèque semble être devenu, au fil des années, une institution mythologique dont quelques morceaux existaient certainement, mais dont les derniers arrivages, si je puis employer cette expression commerciale, ne faisaient certainement plus partie. Je me souviens d'un jour où on a montré à Eric von Stroheim pour la première fois la copie de Grid, les rapaces, qu'il n'avait jamais vu dans la version 3 heures, la version mutilée, disons. Jean-Charles Takela, réalisateur. Et d'ailleurs, il en était bouleversé, ému et furieux à la fois. Il y avait toute l'équipe d'Objectif 49 dont je faisais partie, avec Bazin, avec Astruc, Daniel Valgroz et quelques autres, Pierre Caste. Il y a eu un très grand moment pendant la guerre, sous Paris occupé, quand Jean Rouch. Langlois a continué et donné les séances au Musée de l'Homme. Et où nous avions vu, par exemple, malgré tout, Paris occupé, alors que la guerre était déclarée entre les Allemands et l'Union soviétique, des films soviétiques comme Au large d'une voile. Et toujours le même jeune homme désinvolte qui venait nous présenter ses objets. Ce n'était pas des actions d'éclat, il le faisait naturellement. Peut-être même se rendait-il pas compte que c'est comme ça que ça se passait. Et c'était devenu pour moi, la Cinémathèque, c'était quelque chose dont on avait besoin, qui était quelque chose d'important, comme des cours que nous suivions par ailleurs, des choses de ce genre. On a vu vraiment des gens se battre pour réussir à entrer à la production de certains films, des gens se masser dans toutes les places disponibles, y compris des places qui n'en étaient pas. Je me rappelle avoir vu pour la première fois en version originale, car le film n'avait été distribué que doublé, The Big Sky de Hawks, couché par terre et ma tête devait être à 25 cm de l'écran, ce qui n'est pas exactement la meilleure condition pour voir un film, mais il n'y avait absolument plus d'autre moyen pour le voir. Car il était bien évident que dans ce temps-là, et ceci est une différence par rapport à ce qui s'est passé ensuite, dans ce temps-là, l'idée de ressortie d'un film, parce qu'il avait eu du succès à la Cinémathèque, était une idée qui n'était pas encore venue aux distributeurs. Elle leur venait, mais lentement. La Cinémathèque s'était trouvée accueillir, déjà, ce qui allait être le noyau de la nouvelle critique cinématographique française après la guerre, avec la Revue du cinéma et les Cahiers du cinéma. Or, ce que la Cinémathèque montrait, c'était donc des films anciens, considérés comme des œuvres d'art. C'était quelquefois des œuvres nouvelles. Et ces œuvres nouvelles, pourquoi n'avaient-elles pas de distributeur? Le cas du voleur de bicyclette est exemplaire. C'est parce que elles venaient de zones du cinéma, de régions de l'industrie cinématographique mondiale, qui n'étaient pas prises en charge par la distribution française de l'époque, qui vivaient sur une routine commerciale telle que même le voleur de bicyclette, qui ne peut pas être considéré aujourd'hui objectivement comme un film difficile, mais qui avait soulevé en Italie des polémiques et même des tempêtes, cette seule existence de polémiques et de tempêtes dans le pays d'origine d'un film étranger suffisait à ce que les distributeurs français hésitent. Il est vrai que le voleur de bicyclette a trouvé son distributeur, comme par enchantement, la semaine qui a suivi sa projection triomphale à la Cinémathèque française, mais il est probable que deux ou trois distributeurs étaient prêts à risquer le coup et qu'il a fallu simplement qu'il y ait cette espèce de petite note, cette note importante, critique, d'approbation donnée par le public de la Cinémathèque pour que quelqu'un se décide à franchir le pas d'une distribution normale. Et d'ailleurs, d'autant plus normale que le film en France a été non pas un succès énorme, autant que je me rappelle, mais a été un succès commercial assez honorable. Et en tout cas, le distributeur est certainement rentré dans ses frais. Mais la politique proprement dite dommage, n'est-ce pas, a persisté, même après le lancement de la salle de Chaillot. Et dans le temps même où il insistait beaucoup sur sur l'avenir, sur les jeunes metteurs en scène, et ainsi de suite, Langlois a multiplié les références au cinéma du passé, ce qui était bien normal, et qu'il ait éprouvé le besoin même de faire venir à des manifestations Marie Pickford et Liliane Gish, parce qu'on consacrait deux rétrospectives à leur film, est un hommage assez touchant, moins exemplaire que l'aventure de Buster Keaton. Parce qu'il y avait déjà un certain nombre de films de Buster Keaton qui avaient été relancés en réédition un peu partout en Europe. Et alors il y a eu un hommage à la Cinémathèque du Palais de Chaillot. Et inutile de dire que le soir où il était là, qui d'ailleurs je crois était le premier soir, une foule immense s'est trouvée en face de Keaton, qui a été présenté par Langlois, salué par un tonnerre d'applaudissements, et qui ensuite a fait demander si quelqu'un voulait lui poser une question. Et il s'est trouvé cette chose absolument terrible, c'est que, paralysé par l'admiration, les gens qui étaient assis pour la plupart dans les premiers rangs, qui étaient des critiques qui connaissaient bien son œuvre, dont certains savaient l'anglais, n'ont pas réussi à articuler une syllabe jusqu'au moment où Keaton a dit, ou plutôt fait dire, je crois, à quelqu'un qui était en face de lui, « Vous, posez-moi une question. » Mais a ordonné de poser une question à mon ami Robert Benayoun, qui se trouvait probablement être l'un des hommes les plus capables, en effet, de lui poser une question, et de faire démarrer de cette manière un dialogue qui n'a pas été très long, mais enfin, qui a évité à Keaton de se retrouver comme dans ses films, c'est-à-dire vraiment la statue de sel, l'homme immobile, en face d'une salle qui était tout à fait chaleureuse à son égard. Enfin, une sorte de dialogue a quand même pu s'établir par cette chance. You like children? I do if they're properly cooked. W.C. Fields detested children and always portrayed them as nasty little swine. Don't you love me anymore? Certainly I love you. Don't you strike that child. Well, he's not going to tell me. W.C. Fields. Of course, there were exceptions. I'm very fond of children. Girl children, around 18, 20. Oh, fudge! Cease! Don't you use that sort of language before my innocent little daughter, or I shall be compelled to lay hands upon you. He was against motherhood, fatherhood, and brotherhood, and took every opportunity of denouncing these popular virtues. The honeymoon. He talks to his Indian pal, Milton. Milton, my brave, go upstairs and park your stoical presence outside the teepee of Mrs. Twilly. We're married, you know. I'll proceed to the local gin mill and absorb a beaker of fire water. Big Chief got a new squaw? No, is right. She hasn't been unwrapped yet. He was against marriage. Pour revenir maintenant alors à l'aspect, disons, un peu plus promotionnel, proprement dit, de l'activité de Langlois, n'est-ce pas, sa curiosité était très vaste, même dans des domaines auxquels il n'attribuait probablement pas personnellement une très grande importance. Par exemple, je songe à la comédie musicale, certainement conseillée par des amis, et parce qu'après tout, ça faisait aussi partie du cinéma, etc. Eh bien, il a organisé une période de désertion absolue de la comédie musicale par le public français. Désertion, d'ailleurs, est trop peu dit, une période d'ignorance absolue de la comédie musicale par le public français. Les comédies musicales américaines sortaient dans ce temps-là, généralement en version française seulement, non doublée pour les chansons, ce qui fait que brusquement Fred Astaire retrouvait sa voix pour chanter, et 5 minutes après, c'était un doubleur généralement mauvais. C'est même pas là la question du principe du doublage qui est en cause, c'est qu'on prenait vraiment n'importe qui pour doubler Fred Astaire, disait un dialogue qui n'avait en réalité de finesse que dit par lui, et en anglais de préférence. Et alors, Langlois a sorti en version originale, dans un hommage à Vincente Minnelli, un certain nombre de ses comédies musicales qui, lorsqu'elles atterrissaient sur les écrans par chance en version originale intégrale, quelquefois, avaient toujours 8 jours d'exclusivité en tout et pour tout, n'est-ce pas ? Et étaient absolument massacrés par la critique française régnante de l'époque, je ne dis pas de la jeune critique, par la critique française régnante, n'est-ce pas ? Pour qui les produits américains qui n'avaient pas un caractère de sérieux, de film social ou autre, ben, étaient automatiquement des niaiseries et en plus des œuvres anti-artistiques, ce qui nous paraît ridicule aujourd'hui. Langlois a fait également un hommage à la Columbia, hommage particulièrement bien dosé, puisqu'il comportait à la fois l'évocation des plus anciens films de la Columbia. C'était donc une rétrospective historique de la trajectoire d'une firme américaine qui avait eu une carrière assez accidentée. Quelques chefs-d'œuvre notables des différentes périodes de la Columbia. Et en fin de programme de cette rétrospective, nous avons eu droit à 3 ou 4 films inédits produits par la Columbia et qui n'étaient pas encore sortis en France. Linnea Horn en 1943, Honey Second Rose. I don't blame 'em, goodness knows, honeysuckle rose. When we're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. I don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, you're my honeysuckle rose. Je m'appelle Ali, je suis caissier-contrôleur, je travaille à la Cinémathèque depuis 4 ans. On nous pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que une fois, par exemple, il y a un client qui est venu, il a vu qu'elle était verte, ma vallée, de John Ford. Il a vu le film, il est sorti 10 minutes après. Il dit, écoutez, vous foutez de moi ou quoi, monsieur, monsieur? Vous avez dit que le titre dit qu'elle était verte, ma vallée, et le film est en noir et blanc. Il y a une dame qui vient fréquemment, qui demande, est-ce que le film est en couleur? Elle prend régulièrement les programmes et elle ne vient jamais voir un film. Lionel Seymour, projectionniste. À la Cinémathèque, on a l'occasion de passer 4 films par jour. On change tout le temps de film. En plus, les formats sont différents. On tripote beaucoup de pellicules différentes. Et c'est très bien au point de vue de la technique pour apprendre son métier. C'est très, très bien, la Cinémathèque. On apprend beaucoup de choses à la Cinémathèque. On a du muet, on a du sonore, on a du 35. Il nous arrive de faire du 70, on fait du 16. On fait vraiment de tout le cinéma qui peut exister. On fait même du Super 8 de temps en temps. Et c'est vraiment intéressant au niveau professionnel. Beaucoup plus intéressant que de travailler ou à la télévision comme projectionniste ou même dans une salle à Paris, une salle d'exclusivité où on passe tout le temps du 35 mm. Rarement, par exemple, des films muets. À la Cinémathèque à Chaillot, on est équipé pour passer du film flamme. On doit être les seuls à Paris, d'ailleurs, comme salle, qui avons l'autorisation de passer du film flamme, qui est interdit. Et comme il y a beaucoup, il y a quand même un tiers, je crois, des copies de la Cinémathèque qui sont en film flamme. Ce qui représente quand même, je crois, je ne sais pas combien de milliers de copies, une dizaine de milliers de copies qui sont en film flamme. C'est un film qui s'enflamme très très facilement, avec juste le bout d'une cigarette à quelques centimètres suffit à faire enflammer la pellicule. Alors il faut des conditions de sécurité extrêmes dans la cabine, carter fermé, des appareils avec un refroidissement qui marche bien quand même. Parce que quand on a beaucoup de films flammes sur une bobine, à 600 mètres, si ça prend feu, ça explose carrément dans l'appareil. Et nous avons des jets d'eau au-dessus des appareils pour éteindre immédiatement si jamais il y avait un feu. Je suis heureuse. Tant mieux. Mais pourquoi ne m'as-tu pas donné signe de vie? Parce que j'étais mort. J'étais mort de rage, de honte et d'humiliation. C'est Lumière d'été avec Pierre Brasseur. Des ardents. Ça va pas marcher? Mon désastre. Nous avons sombré, même pas dans le ridicule, mais dans l'indifférence, simplement. Sur une partie, au milieu du spectacle, les uns après les autres, sur la pointe des pieds. Je suis resté seul sur un serpentin. Pourquoi as-tu l'air de me plaindre? Je ne te plains pas. Je t'écoute. Je ne me plains pas non plus. Je t'ai attendu plusieurs jours, mais tu m'avais dit sois sage et attends-moi. J'ai été sage. Pourquoi es-tu méchant avec moi? Mais je ne suis pas méchant. Je pensais à toi tout le temps, au contraire. En revenant sur la route, je me disais, il faut que je lui dise la vérité. Elle le mérite. Je n'ai pas le droit de me taire. Ben, voilà, quoi. Premièrement, j'ai bu. Bon, ça, tu vois bien. Quand tu vois, c'est que tu as du chagrin. Non, je n'ai pas de chagrin. Je suis lucide. Terriblement lucide. Et c'est pas mal, tu sais, la lucidité, la sincérité. Rien dans les mains, rien dans les poches. Hop, la vérité, rien que la vérité. Mais je suis un lamentable individu. Sans aucune espèce de talent, pas l'ombre de l'ombre du moindre talent. Ça, je peux te le dire, c'est pas un secret. C'est vous déjà courir les rues. Et lèvres en l'emmaillard, zéro. Vous êtes nul. Nul et non avenu. Mais voilà, mais pourquoi parles-tu comme ça? Ça me fait mal, tu sais. Voilà. Je me suis assez fait de mal à moi-même. Je peux bien. Georges Franju. Langlois n'est pas un conservateur, Langlois est un collectionneur. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que Langlois se soucie peu de la conservation. Ce qu'il veut, c'est posséder. C'est un homme qui aimait posséder. Qui aimait posséder, qui était exclusif, qui aurait aimé s'il avait pu travailler seul. Mais s'il avait des films, c'était en même temps pour les montrer. Mais je crois que c'était pour montrer aux autres qu'il les possédait. Comme quelqu'un qui sort sa femme, pour montrer qu'elle est à lui. C'est un peu ça, Langlois. C'était pas pour que les autres en profitent, mais c'était pour avoir des témoins. Mais entendons-nous bien, c'était pas une passion de Langlois pour la pellicule, et c'est en ça qu'il n'était pas conservateur. C'était une passion de Langlois pour l'art cinématographique. Et c'est pour ça que je suis un peu agacé quand j'entends maintenant parler des collections de la Cinémathèque française au poids. Hein, on vous dit on a 15 000 titres, on a 20 000 titres, et on vous répond les archives du film qui ont le dépôt légal ont 50 000 titres, bientôt ils en ont 100 000. Vous comprenez, moi je trouve un peu bébête de s'envoyer des tonnes de films à travers la gueule. L'art cinématographique, c'est pas ça. L'art cinématographique, ce sont les œuvres de qualité. L'art cinématographique est sélectif. Et c'est dans ce but-là que je me suis occupé de programmer le patrimoine à la Cinémathèque française. C'est la qualité. Si le patrimoine, si on avait à faire le patrimoine de la musique, ce serait bien entendu Ravel, ce serait bien entendu Debussy, mais ce serait aussi Vincent Scotto. Mais ce serait tout Ravel, ce serait tout Debussy, mais ce ne serait pas les 3000 chansons de Vincent Scotto. Là, on devient sélectif. Mais en ce qui concerne la conservation des films, et surtout maintenant, c'est très facile d'obtenir des films. Si vous allez voir un producteur, c'est ce qui se passe avec Alexandre Kamenka. Pourquoi Alexandre Kamenka nous a-t-il donné ses films? Mais c'est parce que ses films l'embarrassaient. C'est évident. Ça coûte très cher des blocos. Si une institution sérieuse... Mais c'est pas ça la difficulté d'une cinémathèque française. La difficulté, c'est de choisir et de savoir programmer ce qu'on a choisi. Parce que conserver n'importe quoi. Vous savez comment on appelait le dépôt légal autrefois avec l'anglais, on appelait ça le dépotoir légal. Mais c'est un peu vrai. Qu'est-ce qu'il y a comme déchet dans tout ça? Et comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Alors, bien sûr qu'il faut sélectionner, mais la sélection se fait d'elle-même avec le temps. Et je dirais même pas avec l'examen critique, mais par la force des choses et par les auteurs. Il peut y avoir évidemment des chefs-d'œuvre oubliés, mais les chefs-d'œuvre oubliés, on les retrouve vite. Vous savez, ça surnage presque de soi un film quand il a de la valeur. Alors, la difficulté, c'était précisément de faire une sélection dans tout ce qui était à notre portée. Le stock Kamenka, c'était une merveille parce que tout est beau chez Kamenka. Mais si vous allez maintenant chez un producteur, quand on allait chez un producteur et qu'on lui disait, surtout à partir du Pardon de 36, mais ça les embarrassait leurs films muets. Et ils étaient très contents de nous les donner. La difficulté, c'était de ne prendre que les bons. Vous savez, on a fait des choses. En 1938, on a acheté 5 tonnes de pellicules au poids. On a entreposé ça à Chaillot. Langlois, moi et deux filles, on s'est amusé, ça devenait une corvée. On a voulu regrouper tout ça dans des toiles de jute. Il y avait je ne sais combien de toiles de jute, c'était plein local, là des locaux du palais de Chaillot. Et on a trié ça. On avait des bobineaux de 10 mètres, négatifs, marron, positifs, intertitres. On avait quelques images. Bon, c'est découragé. C'est absolument impossible de reconstituer ça. C'était une partie d'un stock de je ne sais qui. Alors, c'est ça la pellicule au poids. Je ne sais pas ce que Langlois a pu en faire, mais probablement qu'il a renvoyé ça à la fonte. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Ça n'est pas possible. On se fixait comme but d'abord de conserver ce qui pouvait être conservé, c'est-à-dire les films en bon état. Quand un film était complètement collé, que la gélatine se déclarait, eh bien, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de l'envoyer à la fonte. On ne peut pas... Vous savez, si vous avez une toile, fût-elle un chef-d'œuvre, hein, si vous avez la peinture qui est complètement décollée, qui se trouve à côté de la toile, qu'est-ce que vous voulez en faire? Comprenez, c'est pas possible. Comprenez. On met l'accent en ce moment. C'est certain que Langlois a trop mis l'accent sur la représentation cinématographique, c'est-à-dire sur la projection. Il n'a pas assez mis l'accent sur la conservation. Seulement, la conservation excessive, c'est aussi un défaut. c'est aussi un défaut, parce qu'alors on arrive à aimer la pellicule pour la pellicule. Langlois n'aimait pas la pellicule pour la pellicule, c'est dans ce sens-là qu'il n'était pas conservateur, il était collectionneur. Il aimait la beauté, Langlois, et il avait raison. Parce qu'on dit, Langlois disait il faut tout montrer, non, il disait il faut tout conserver et pas tout montrer. C'est tout à fait différent. Tu comme ça, notre championnat est commencé. Championnat? Évidemment, Daniel est déjà là, c'est lui qui est l'arbitre. 17-16? Non, 18-16, sans blague, Daniel. 18? Oui. L'archeuse est encore pour les boutiques, hein? C'est ça, c'est toi qui m'aimes? Extrait de Falbala de Jacques Becker, la partie de ping-pong. 18-16, c'est toujours à Michel. Alors, les amoureux, on ne s'embrasse pas? Allez, Michel, serre. Voilà. Maintenant, silence. Il coupe toutes ses balles, ce cochon-là. Si tu savais jouer comme lui, je t'en ferais autant, peut-être. 19-16, arrive le service. Tu pourrais au moins m'embrasser, moi. Alors, Micheline, tu veux plus te marier? Ce problème d'archives cinématographiques, en bon état si possible, en ce qui concerne la France, ne sera résolu que du jour où les pouvoirs publics astreindront les producteurs à l'équivalent d'un dépôt légal. Ça, je crois que tous les gens de bonne foi sont d'accord là-dessus. Les modalités peuvent en être discutées, mais il y a là une nécessité impérieux, ce dépôt légal devra trouver sa forme pour s'articuler avec les droits de passage à la télévision, etc. Mais on ne peut pas envisager de continuer l'œuvre de Langlois, sous quelque forme que ce soit, sans obtenir que pour le cinéma qui se fait, des copies, une copie, à peu près convenable d'état, en état, soit dans un délai raisonnable, donné en tant que dépôt légal à un organisme officiel qui pourrait d'ailleurs ne pas être la Cinémathèque elle-même, mais être, disons, justement, l'équivalent en tout cas du service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale, qui fait partie de la Bibliothèque nationale, mais qui n'en est pas le cœur, le centre. Qui en est peut-être la base, mais qui n'en est pas le centre. Je ne crois pas qu'on puisse éviter le recours à une mesure ministérielle légal de cet ordre, si l'on veut continuer un accroissement normal, régulier, et en tout cas la conservation de tous les films. Cinémathèque en liberté, deuxième. Ce soir, du film Flamme à la robe beige de Marilyn, par Chantal de Béchade. Réalisation, Bruno Sourcy. Documentation INA, Suzanne Legrand. Mise en onde, Daniel Bizien. Avec les témoignages d'Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque, Georges Franju, cofondateur de la Cinémathèque, Yvonne Dornès, vice-présidente de la Cinémathèque, Daniel Toscan-Duplantier, directeur général de la Société Gaumont, Jean Rouche, vice-président de la Cinémathèque, Jean-Charles Taquella, réalisateur, Françoise Jobert, secrétaire générale adjointe de la Cinémathèque, Gérard Legrand, critique, François Forestier, critique, Guy Lemaître, responsable du mouvement des copies à la Cinémathèque, Marianne de Fleury, conservatrice à la Cinémathèque, Ali Mesloub, caissier, Lionel Seigneur, projectionniste, Alain Le Botmel, directeur de salle, et le concours des vérificatrices de la Cinémathèque. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 10 juin 1980. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.